principe, cette technique, plus exactement ce mode opératoire d'influence, le liez-vous à ces études psychologiques sur la foule? Ah oui, complètement. Là, on est vraiment plutôt dans, on est quand même dans ce qui est un peu, on va dire, des méthodes de propagande artisanale, dans le sens où au final, c'est reprendre la technique du crieur public. Mais à part ça, par contre, on est clairement dans la question de la suggestibilité. Et l'idée de toucher la foule directement dans la rue, là, c'est une reprise directe de ces théories. Après, moi, j'aurais quand même tendance à dire que là, en fait, le moment où ces théories, elles vont avoir leur impact maximal, c'est le moment où celles-ci vont être appliquées à l'utilisation des médias de masse. Donc, premier média de masse à l'époque, c'est donc la presse quotidienne, avec ce que Noiriel aussi... c'est assez intéressant, parce que Gérard Noiriel, il dit que la presse quotidienne, à partir du moment où elle se massifie, elle se fait diversifie, c'est-à-dire qu'on manipule l'opinion en parlant de faits divers, en racontant des histoires, une espèce de forme de storytelling, c'est-à-dire que ces histoires, en fait, elles sont simples, elles permettent de frapper les esprits, elles permettent de les impressionner directement. Et ça, on le retrouve dans la presse, donc on n'est plus dans le raisonnement, on n'est plus dans l'opinion mesurée, etc., mais l'histoire qui va choquer, frapper et sidérer. Et ensuite, on va retrouver ça dans l'entre-deux-guerres, non pas dans le média papier, enfin on le retrouve aussi dans le média papier, mais surtout dans le média radio, qui devient le mass-média par excellence, et après, à l'après-guerre, avec le développement de la télévision, à partir du moment où celle-ci devient un mass-média, ça deviendra aussi le média par excellence de ce type d'influence sur l'auditorium, sur l'auditoire, sur le public. Voilà. Donc je pense que ces théories, elles deviennent particulièrement opérantes à partir du moment où ces théories, elles ne concernent plus seulement la foule qui est réunie physiquement, mais où on utilise la même technique de conviction et de compréhension de l'humain pour tenter de le manipuler à grande échelle avec la société de masse, c'est-à-dire la masse, la foule, c'est un amas de personnes qui sont réunies au même endroit, qui vibrent, qui agissent ensemble. La masse, c'est toute une série de personnes avec assez peu de liens entre elles, de personnes atomisées, qui partagent des conditions de vie et des conditions d'existence mentale similaires et qui sont influençables d'eux-mêmes. Et je pense effectivement que la psychologie des fous, elle acquiert tout son potentiel de manipulation de masse et de contrôle des esprits à partir du moment où ça devient non plus la psychologie des foules, mais la psychologie des masses. Et la société de masse qui va avec, qui est d'ailleurs aussi très critiquée par l'école de Francfort. Dans votre article, vous faites référence aux travaux d'Yves Cohen que nous avions longuement reçus au micro d'Histoire vivante. Et là, j'ai envie d'ouvrir un peu un chapitre que je pourrais intituler « Le fait la poule ». Le croisement entre cette figure du chef en pleine ascension à la fin du XIXe siècle et ces mécanismes collectifs d'entraînement par voix de presse, par influence des médias, des deux, qui joue le rôle de l'œuf et qui joue la poule? Ça, c'est une excellente question. Voilà, vous avez deux secondes pour y répondre, bien sûr. Mais effectivement, ce qui est assez intéressant dans l'ouvrage d'Yves Cohen, qui est Le siècle des chefs, c'est celui-ci, en fait, il montre, et c'est extrêmement intéressant par une étude comparative à la fois des théories du management, des théories du commandement, des théories politiques, que ça soit en Russie soviétique, que ça soit en Allemagne nazie, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, donc la France et les États-Unis qui sont des régimes démocratiques, en fait, il y a un moment, une espèce de passion, en fait, pour la figure du chef. Et la figure du chef, c'est assez intéressant, c'est pas, si on reprend les typologies de Weber, la figure du chef, à la fois c'est quelqu'un qui va avoir des compétences rationnelles, bureaucratiques, de commandement, d'administration et de management, mais aussi quelqu'un qui va être détenteur, parce que là le chef aussi, la figure du chef, c'est le plus souvent un homme, qui va être détenteur d'un charisme assez fort. Et ce qu'il nous dit, en fait, c'est qu'entre 1920 et 1960, c'est le moment où l'ensemble de la société va... Et c'est assez particulier aussi, hein, parce que cette figure du chef, c'est pas la même que celle du roi, qui est traditionnelle, qui est à la fois traditionnelle et charismatique. C'est la société, à un moment, et les sociétés, donc occidentales, quel que soit leur régime politique, vont se réfugier derrière cette figure du chef, et avoir une modalité de gestion sociale purement basée sur donc le principe à la fois managérial mais charismatique de se réfugier derrière cette entité du chef. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va de même avec on va dire le développement de l'économie dirigée, de la grande entreprise, du management. Et ce qu'il nous dit dans le siècle des chefs, c'est que vers la fin du XXe siècle, donc avec l'effacement, donc il y a eu la chute des fascismes dans les années 40, la chute de l'URSS en 1990, beaucoup de, on va dire, de révolte au sein des pays occidentaux, cette figure du chef, elle s'érode, et lui, il va même jusqu'à dire qu'on parvient, donc en ce qui concerne la foule, à la foule, la figure de la foule sans chef, la foule sans maître, c'est-à-dire que on va avoir la foule qui, selon les théories du chef, n'était pas intrinsèquement ayant comme vocation à être dirigée par un chef. Eh bien, on a des mouvements sociaux et c'est intéressant. Hein, ça fonctionne très très bien sur les mouvements sociaux récents, que ce soit les gilets jaunes, soit les Yalak en Algérie, au Liban, même à Hong Kong. On a des mouvements sociaux massifs qui refusent de se doter d'un leadership et qui refusent de se doter de chef. Donc c'est aussi ce moment, cette volonté sociale. Donc on ne sait pas si c'est les médias ou si c'est la figure du chef. Et c'est difficile de dire lequel va causer lequel. C'est un peu une perte, enfin pas une perte de temps, mais ça peut être un peu vain. En tout cas, on va dire, on a ces phénomènes qui se renforcent. Et à un moment, ces phénomènes, ils cessent de se renforcer. Et à l'inverse, on en est à quand bien même la figure du chef elle se perpétue, notamment avec l'entrepreneur, on va dire, prométhéen et charismatique, Steve Jobs, Elon Musk, qui, on va dire, qui change le monde par la technologie. Néanmoins, on a aussi cet affaiblissement de la figure du chef, et on a aussi cet affaiblissement de l'homme politique. C'est-à-dire que l'homme politique charismatique, de nos jours, c'est un clown. C'est-à-dire que Donald Trump, Bolsonaro, c'est à la fois, on va dire des figures populistes, des figures autoritaires, des figures d'extrême droite, mais c'est aussi des figures qui se prennent au second degré. C'est-à-dire que pour pouvoir perdurer en politique, la figure du chef, elle a tendance aussi à passer au second degré, à être dans l'autodérision d'elle-même. Donc on voit là, à partir du siècle des chefs, que Yves Cohen, il a brillamment mis à contribution, qu'il a brillamment analysé, on a une mutation de cette figure du chef dans notre société, dans la modernité plus tardive. Voilà. I think it's a disgrace. And I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. All you have to do is read the newspapers, except yours. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. That information that was false and fake and never happened got released to the public. Alors, j'avais en tête la sortie du chef que vous évoquiez, Mathis Gardenier, comme une espèce de fausse sortie à la Colombo, avec un retour, le doigt sur le front, ayant oublié une question. Et justement, ces néo-chefs dont vous parlez, de Bolsonaro à Trump, à Erdogan, etc., ont quand même leurs électeurs, ont quand même leur clientèle. Alors, peut-on simplement les regarder de loin en disant c'est un exercice de pantomime, ou bien la figure du chef ayant effectivement un temps disparu, cette disparition a créé un vide, et ce vide-là, il a été pénible, mal vécu. Moi, j'aurais tendance à dire que on est plutôt dans ce que Max Weber appellerait le polythéisme des valeurs, c'est-à-dire qu'avant, il y avait le culte du chef qui était omniprésent et qui était inimaginable, on va dire, il était inimaginable de passer outre, hein. Donc y compris par exemple pendant la guerre d'Espagne, donc les anarchistes avaient des chefs, les anarchistes avaient des dirigeants, les anarchistes avaient des ministres au sein du gouvernement socialiste, c'est-à-dire que même les anarchistes ne pouvaient pas ne pas avoir de chef. Et j'ai l'impression que effectivement, on n'est pas dans la disparition du chef, mais on va dire il y a l'émergence d'une possibilité de la foule sans chef, de la direction sans chef, mais ça ne veut pas dire que la figure du chef disparaît totalement. Et effectivement, elle arrive tout de même à avoir, entre guillemets, de beau reste. Et de même, quand bien même, si on regarde la politique française, quand bien même la figure du chef, de l'homme politique est discréditée, Emmanuel Macron, il se coule totalement dans les codes du chef, il se dit jupitérien, il se dit solaire, donc là c'est exactement l'imaginaire du leadership, du siècle des chefs, il se dit manager aussi, là on retrouve aussi le parallèle avec, on va dire, la capacité administrative de commandement, et c'est ce que je disais aussi, c'est la figure des entrepreneurs prométhéens qui parviennent par leur charisme, par leur volonté entrepreneuriale, à changer la face du monde. Donc on a exemple, donc on a dit de Steve Jobs avec Mac, on a exemple de Bill Gates avec Microsoft, mais surtout de Elon Musk qui lui prétend changer l'industrie automobile, qui prétend privatiser l'industrie spatiale, qui prétend aller sur Mars. Et là on est clairement dans une, on va dire quand même, une permanence de cette figure du chef qui est à la fois un chef compétent, un entrepreneur, un manager, mais aussi qui serait un génie. Et en fait, elle perdure cette figure. C'est juste que, à mon sens, dans le sens où il y a un polythéisme et des valeurs, il y a plusieurs conceptions vis-à-vis du leadership et du chef qui vont s'affronter. Et donc, il n'y a pas une disparition du chef, mais il y a l'existence de la figure de la foule sans chef, de l'organisation sans chef, qui s'est développée à côté de ces figures du chef qui continuent à exister et qui continuent à impacter massivement la politique. Vous avez parlé d'Erdogan, de Bolsonaro, effectivement. Là, on est tout de même dans la figure de l'autocrate, du père de la nation, Duterte aussi aux Philippines. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que c'est des figures qui viennent de la droite, voire de l'extrême droite, et qui ne sont plus centrales, mais qui reviennent aussi, avec cette volonté peut-être de retour de la figure autoritaire face à la dissolution, justement, du siècle des chefs et de ces figures de chefs. Voilà. Donc je dirais plutôt un polythéisme des valeurs par rapport au leadership, plutôt que la disparition de la figure du chef. Mathias Gardanière, sinon on revient dans cette foule chère ou peu chère à Gustave Le Bon, vous avez évoqué le fait qu'il la considère notamment criminogène. Mais si l'on changeait l'adverbe, la considère-t-il essentiellement, uniquement criminogène ? Plus ou moins, oui. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des foules honnêtes, il y a des foules passionnées, il y a des foules qui vont accomplir des actes bons parce que leur leader est bon, mais il dit que en règle générale, en fait, de par l'anonymat qui est conféré à l'individu dans la foule et surtout par le fait que son apparat pulsionnel ressorte, on va dire que l'individu va être avant tout entraîné vers la criminalité. Donc ça, c'est quand même une constante de la foule pour Le Bon. Et il en fait en fait une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il va plus loin, il dit que la modernité est caractérisée par le nombre, par la masse, par l'urbanisation, par des institutions qui sont basées sur le nombre, et que en fait ce nombre va mener à la médiocrité, ce nombre va mener au crime aussi, hein, à partir du moment où les foules sont réunies. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces exemples de la criminalité des foules, c'est aussi ce qui va être à la base de la modernité politique, c'est la Révolution française. C'est la Révolution française qui donne l'idée de nation, qui donne l'idée que l'ensemble des membres d'un pays soit citoyen, que l'ensemble de ces personnes disposent de droits civiques plus ou moins équivalents. Et lui, il dit, c'est que ce moment fondateur de la modernité politique, qui est avant tout criminogène. Et là, il reprend les descriptions d'Hippolyte Taine, qui est donc très très conservateur, et qui du coup voit les foules révolutionnaires comme assoiffées de sang, comme massacrant. Bon, après, faut pas. Il y a aussi des atrocités, il y a des massacres qui se passent réellement, bien entendu. Mais considérer aussi l'ensemble de la Révolution française comme quelque chose de criminel, c'est dire toutes les institutions basées sur le nombre, toutes les institutions démocratiques sont des institutions, on va dire, qui sont teintées du sang, du péché originel. Et cette philosophie de l'histoire, elle va aussi dire que, en fait, il y a un affrontement, c'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, c'est marqué par un affrontement, c'est l'irruption massive des foules sur la scène de l'histoire, et que soit la civilisation occidentale, elle peut périr à cause de la médiocrité criminogène de la foule et des personnes qui prétendent la représenter, donc tous les démocrates, ou au contraire, la foule, elle peut être combattue, elle peut être subjuguée, et ça, c'est le rôle du leader. Et il dit, Gustave Le Bon, il dit que toutes les grandes choses de l'humanité n'ont été accomplies que par une minorité à une aristocratie intellectuelle, et que c'est la seule source de progrès, c'est l'action de cette aristocratie intellectuelle qu'il appelle, de tout nom dont il estime faire partie, et qu'il appelle à reprendre le pouvoir politique en matant la foule. L'époque actuelle constitue un des moments critiques où la pensée humaine est en voie de transformation. D'une telle période, forcément un peu chaotique, il n'est pas aisé de dire actuellement ce qui pourra sortir un jour. Sur quelles idées fondamentales s'édifieront les sociétés qui succéderont à la nôtre? Nous l'ignorons encore. Mais dès maintenant, l'on peut prévoir que dans leur organisation, elles auront à compter avec une puissance nouvelle, dernière souveraine de l'âge moderne, la puissance des foules. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895. Mathis Gardanier, je vous propose que l'on quitte un instant le terrain des études et que nous mettions le nez dehors. À titre personnel, vous, la foule, comment l'appréciez-vous? Un peu, beaucoup, modérément? À titre totalement personnel, je l'ai étudié au cours d'une thèse de 4 ans et je suis venu à l'apprécier. Je suis venu à apprécier la force de la foule, la capacité collective à vibrer ensemble, qui me semble être un moment important de la vie sociale de nos pays. Je vous entends dire « j'aimais moins avant, j'aime mieux depuis ». Oui, je pense qu'aussi, il faut apprendre à aimer la foule, il faut apprendre à être au sein de cette foule, il faut apprendre aussi à ressentir ensemble, hein, quand bien même on n'est pas dans des mécanismes de suggestion et de domination morale. Mais effectivement, il y a aussi dans la foule un élément de partage, il y a un élément de communion, et c'est aussi ce qui va pousser les personnes à y participer, il me semble. Et là encore, différence entre la foule et l'agrégat. C'est-à-dire que le sentiment n'est pas du tout la même chose lorsqu'on est à une manifestation, lorsqu'on est à une foule sportive, que lorsqu'on va être un agrégat de personnes, par exemple dans un centre commercial, dans une rue marchande. À quel type de foule faites-vous allusion? À la foule au public sportif, par exemple, mais pas seulement? Par exemple, moi j'avais pas mal travaillé sur les manifestations altermondialistes aussi, public sportif, public festif aussi, fête collective. C'est assez large quand même. Alors, éclairez-moi peut-être. Certaines réunions de famille, quelles que soient les latitudes, se termine parfois, non pas à la Lars von Trier, mais de façon un peu sinistre. Est-ce que quand on est simplement au stade du cercle familial, on n'a pas encore passé à l'anonymat qu'implique la foule ? Ne s'agit-il finalement que d'un groupe pas assez nombreux et pas assez écarté les uns des autres pour devenir une foule ? Je pense effectivement que on serait plutôt dans le domaine de la psychologie sociale qui serait le domaine de la psychologie de groupe et que, entre guillemets, la différence entre le groupe familial, groupe social et la foule, c'est justement une certaine masse critique, c'est l'absence de connaissance, c'est-à-dire l'impossibilité de connaître ou de reconnaître, même si on les connaît, l'ensemble des participants qui va créer effectivement une cohésion différente et une interaction différente pour les membres de cette foule. Si l'on veut vous lire, si l'on veut aller regarder un peu vos mots écrits, Mathis Gardenier, que pouvez-vous nous conseiller ? Alors, donc, j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « La psychologie des foules en question ». Donc, c'est l'équivalent de... C'est en 40 000 signes, donc c'est tout petit, à 80 petites pages, chez UPPR Éditions, et qui, en gros, est un résumé, une histoire des idées de la psychologie des foules, qui ensuite est aussi une extrapolation des théories de la psychologie des foules à la masse, mais aussi une critique de la psychologie des foules, parce que la psychologie des foules, elle est, on va dire, elle a une opinion, on va dire, très négative de la foule, et un appel aussi à une étude moderne des foules, qui serait, on va dire, moins marquée par les présupposés idéologiques de la psychologie des foules. Voilà, donc ça, c'est, ça, vous pouvez le commander dans l'ensemble des librairies. C'est Hachette qui distribue UPPR Édition. Vous pouvez aussi le commander en ligne. Mais je vous conseillerais ce petit ouvrage si vous voulez en savoir plus sur la question des foules, la psychologie des foules, la psychologie des foules en question. Donc voilà. Je vous propose un post-scriptum. Avez-vous pensé déjà à étudier la cour de récréation ? Car voilà un espace où une certaine foule se déplace d'une certaine manière, s'auto-organise d'une certaine façon, dans un temps limité, un espace et un temps limité, celui circonscrit de la récréation. Je n'y avais jamais encore pensé, à vrai dire, mais effectivement, de par la richesse des interactions qu'il y a, de par leur caractère fugace, je pense qu'effectivement, il y a matière à avoir, on va dire, des commentaires très intéressants, des analyses très intéressantes aussi. Et les enfants peuvent aussi être une foule probablement assez différente des foules d'adultes. Bon, eh bien, je ramasserai les copies d'ici quelques temps. Bon travail d'ici là. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Ben, merci à vous pour cette invitation et pour toutes ces questions qui sont très stimulantes, donc je vous en remercie grandement. Demain, la suite de cette thématique consacrée à la propagande et à la manipulation, nous serons en compagnie d'un autre chercheur, David Colomb. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Zvalon et la voix de Philippe Grappelou. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.